Nous étions quelques-uns, peu nombreux à nous ébouger, conscients de l'endroit, de ce que l'on pouvait se permettre, conscients du bruit que l'on pouvait provoquer, un faux pas, un mouvement, et puis tout compromettre, à se demander à quoi tout cela pouvait servir, le ciel qui s'ouvrait devant nous, la terre que l'on avait mise en tas, ne découvrant rien que l'on ne connaissait déjà, voir comment tout cela allait finir, devoir perdre nos quelques souvenirs, ce à quoi l'on tient, se disperser, ne plus penser, et puis finalement rien. On ne voulait surtout pas mourir. Ceux qui pleuraient ne se forçaient pas, comblaient le vide dans la terre, et je faisais partie de cela, s'imaginer tout entier recouvert, et puis finalement rien. Nous n'avons jamais été là, et l'on savait très bien pourquoi. Voir comment tout cela allait finir, combler le vide dans la terre, le peu qui allait venir, et de nous, il n'en avait que faire, et c'est bien ça le pire. On ne voulait surtout pas mourir. On ne voulait surtout pas mourir. On ne voulait surtout pas mourir. On ne voulait surtout pas mourir. On ne voulait surtout pas mourir. Thank you.